Un invité unique, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste, une émission de radio proposée par Campus FM tous les vendredis à 17h, présentée par Joe Kangourou, réalisée par Thomas Delafosse. Et la liste d'aujourd'hui est celle de Gilles Jumer. Sur ces zones de campusienne, je vous parle assez souvent de cette scène toulousaine qui n'arrête pas de m'enthousiasmer, qu'elle soit jazz, chanson, rock, hip-hop ou bluegrass. La scène bluegrass et son apparition, c'est la nouveauté de l'année dernière. Si la plupart du temps, on vous parle ici et ailleurs des musiciens, des artistes qui la composent, il ne faut pas oublier d'évoquer aussi ceux qui en coulissent, dans l'arrière-boutique, font en sorte qu'elle puisse se montrer et rencontrer le public. Que serait en effet la chanson à Toulouse sans le travail de défricheur d'un fanfan à l'Éclusanne qui programma le premier Juliette dans les années 80, sans le travail d'un Philippe Pagès au Bijou dans les années 90 et 2000, puis au même endroit d'Emma et de Pascal Chauvet, ou alors encore de René Gouzen et de la CAF Poésie dans un registre plus poétique. Que serait la scène jazz toulousaine sans l'invention au milieu des années 80 de Musical, l'école des musiques vivante de Philippe Metz? Que serait-elle cette scène jazz sans Jeannot Cartini qui monta le mandala au milieu des années 80, mandala devenu depuis le taquin avec l'arrivée de Loris Pertoldi et de son équipe, et qui avec Tanguy le Jeune à l'impro, lui, continue contre vents et marées à y diffuser les dernières élucubrations nées dans la tête d'une génération de musiciens et de musiciennes hyper doués, avant qu'ils ne gagnent par exemple en juin dernier le premier prix de jazz du concours Jazz à la Défense. C'est dans ces lieux-là que l'on a pu découvrir la musique du sextet Bol. Et puis, que serait le rock à Toulouse sans l'apparition du Bikini au milieu des années 80? Le Bikini, la salle d'Hervé Sansonetto, qui permit à nous autres, amateurs de rock et autres musiques agitées, de ne plus être obligés d'aller courir jusqu'aux pieds. Club situé quelque part dans les collines gersoises au-dessus de l'île Jourdain, pour en écouter. Ou alors, que serait le rock à Toulouse sans Gilbert Vienne et Mustang Productions, la maison de production de concerts qu'il monta lui aussi au début des années 80 de ce côté-ci de la Garonne. Et encore, aurions-nous l'occasion d'entendre autant de musique improvisée et de jazz bizarre sans l'activisme forcené d'un Jean-Pierre Lérac et de son association Un pavé dans le jazz, ou l'activisme de Manu Muret et d'un Archer dans le Yucca? Gilles Jumer, notre invité du jour, et de ces personnages qui restent dans l'ombre et pourtant qui sont essentiels à la scène musicale et culturelle. Né en 1995 à Tours, monté à Paris à 18 ans pour y retrouver sa sœur après avoir été viré de son lycée à la fin de sa première G. D'abord aide-comptable dans un cabinet d'experts comptables avant d'assurer la comptabilité d'Escargot, un label post-68 art qui produisait par exemple François Béranger ou Gilles Vigneault, mais aussi Michel Buller, avant de monter Gilles Jumer, avant de monter Bleu Citron, une maison de production, de spectacles, de diffusion de musique et d'accompagnement d'artistes. Big Flo et Oli par exemple est accompagné par Bleu Citron, mais aussi Bleu Citron impliqué dans plusieurs festivals de la région. Alors chante, avant que ce festival ne soit liquidé par Brigitte Barège, la sémillante maire de Montauban, mais aussi des tours de chant pendant un moment, ou encore le festival Pose Guitare à Albi, et puis aussi les week-ends des curiosités du Bikini. Bleu Citron assez omniprésent sur le paysage toulousain et régional depuis que Jules Jumer a rejoint la Haute-Garonne à la fin des années 90. Depuis son départ de Bleu Citron en 2016, après transmission de sa société à ses collaborateurs, et cela gratuitement, il faut quand même le souligner, Jules Jumer s'est occupé et s'est investi dans le projet des Halles de la Cartoucherie qui ont ouvert il y a 3 semaines et s'apprête à lancer mardi prochain, 10 octobre, la deuxième édition du festival Oz au Zénith. Il sera sans doute question de tout cela ou pas pendant l'heure qui vient. On va voir ça tout de suite avec donc Gilles Jumer, notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. On va peut-être parler tout de suite du Festival Oz avant d'entamer la découverte de la liste que vous nous avez amenée ce soir. Oz, la dernière fois qu'on en a parlé sur ces antennes campusiennes, c'était en mars 2020, à quelques jours de la première de ce festival, mais aussi à quelques jours de l'arrêt total de la vie dans l'Hexagone. C'était, je crois, à une semaine du confinement. Même pas 3 jours. Et édition qui a été aléatoire jusqu'au soir du concert. Comment se présente l'édition 2023, qui est la deuxième édition de Oz? Ben, ça se présente très très bien. C'est vrai qu'en 2020, 3 jours avant le confinement, quoi, avant l'arrêt total de toutes les activités en France, effectivement, on avait été très perturbés. Beaucoup de gens n'étaient pas venus parce que le Covid, il y en a plein qui avaient peur de ça. Il y avait une trombe d'eau en plus, ce qui fait que ça a freiné pas mal. Mais bon, ça va vraiment marquer quand même tout le paysage culturel et de vie sur Toulouse. Donc là, on a eu du mal, on a souffert comme tout le monde du Covid. Après, les financements, ben, c'était bloqué, parce qu'il faut dire que c'est un spectacle gratuit. Ben, c'est une soirée et un événement gratuit, mais qui dure quand même de 18h30 à 1h30, avec beaucoup d'événements, et c'est un coût assez important, donc il faut des financements. Et on a eu du mal avec le Covid, mais ça y est, maintenant c'est bien parti, et on va faire une édition, même qu'on a essayé, c'est toujours gratuit évidemment, on a essayé même de l'améliorer, d'amener plus de choses pour le public, avec de la restauration, avec des animations sportive également, qui n'y avait pas la dernière fois. On a amené, au-delà des 10 artistes qui sont différents par rapport à la dernière fois, bien sûr, qui vont se succéder sur 2 scènes, voilà, dans un zénith réduit à 4000 places. On va pas, il y a un mur de lumière derrière qui fait qu'on voit pas cette grande cathédrale, cet univers sombre. Et on le transforme pour en faire un lieu de vie convivial et pour que les gens puissent se balader à l'intérieur du Zénith et sur les extérieurs dans toute la soirée. Donc un lieu que vous préparez depuis quelques temps en collaboration avec le Zénith, OZ, c'est aussi une volonté du Zénith de répondre à une partie de son cahier des charges. Oui, c'est exactement. OZ, c'est le producteur exécutif. Voilà. C'est la structure qui organise le tout, mais c'est suite à la volonté et au financement du Zénith et de la région. La région aussi participe au financement global. Donc, c'est encore une fois une volonté du Zénith qui s'est appuyée sur OZ et moi pour organiser toute cette soirée. Donc, 10 groupes qui joueront leur set d'une trentaine de minutes, dont vous le disiez, sur 2 scènes différentes, et qui sont des groupes que vous êtes allés chercher dans la région, donc région Occitanie. Oui, volontairement, bah, comme le nom le porte, Occitanie, Zénith. Volontairement, l'idée de tout le départ, c'est de faire une soirée autour de la scène occitane et donc de la région. Donc pour ça, j'ai monté un comité de programmation en s'appuyant sur les acteurs locaux. Donc il y a les curiosités, il y a le métronome qui participe, il y a les productions du possible, il y a nous, bien sûr, moi, et puis Gaëtan. Mon char du Zénith qui participe à la programmation, mais c'est un comité de programmation. Et effectivement, on s'appuie sur les artistes locaux et régionaux, plutôt régionaux. Donc il peut y avoir des artistes, là il y a des artistes de Sète, de Montpellier, la dernière fois il y en avait de Nîmes, de Rodez, d'Albi, ainsi de suite. Quoi. Et de Toulouse. Donc, et de Toulouse, évidemment. 10 groupes, pratiquement tous les styles sont représentés. Il y aura de la chanson, de l'électronique, il y aura de la pop, il y aura du R&B, il y aura également du hip-hop, on y retrouvera aussi du rock, étrangement pas de jazz, et pourtant par exemple la scène montpelliéraine et surtout la scène toulousaine est plutôt riche en jeunes groupes qui mélangeant les styles mais avec une formation et une esthétique jazz. Parlais de Ball pendant l'édito par exemple. Ball, un sextet, je pense que la moyenne d'âge ça doit être en dessous de 25 ans, qui a gagné le prix de la Défense en juin et qui pourrait faire partie de cette programmation. Je suis d'accord, je suis même un peu impardonnable parce que Bleu Citron, je viens du jazz. Eh bien oui. Et c'est des choses qu'il faut améliorer. Cette année, par exemple, on a inséré dans la programmation la culture occitane avec deux groupes, un groupe pop et puis un groupe plutôt métal. Et effectivement, Effectivement, un artiste de, dans le milieu du jazz, ça serait très bien dans, dans cette palette et cette couleur qu'on veut montrer de la région. Quoi. Je suis d'accord. Eh bien, ça sera pour l'année prochaine. Allez, Gilles Jumère, on va découvrir tout de suite cette liste de 10 morceaux que vous nous amenez aujourd'hui. Et ça nous permettra de parcourir aussi votre trajet qui est assez multiple et foisonnant. Premier morceau de cette liste, ça va peut-être en surprendre certains. Le Jumère, ça c'est un exploit, c'est bien la première fois en 34 ans de radio sur Campus FM que je programme André Verschuren, La Paloma, c'est un tango. Pourquoi ce morceau en début de votre liste, Gilles Jumère? Ben, parce que ça correspond à une époque de ma vie, quand j'étais môme, hein, j'ai fait de la musique, de l'accordéon et du sax ténor. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, et de 6 ans à 18 ans, j'ai fait de la musique, c'était mon argent de poche, et j'ai fait beaucoup de balles populaires dans les petits villages de la Touraine, parce que je suis né à Tours, et des balles de mariage et tout ça, quoi. Et bien sûr, en faisant du musette, j'avais le droit obligatoirement à des titres joués par Yvette Horner ou André Verschuren. Quand on m'a demandé de réfléchir à une playlist par rapport à ma vie, quoi, j'ai eu envie de mettre ça. Et là, en l'écoutant, je trouve ça drôle, j'adore. Ça veut dire que c'était aussi la musique que vous écoutiez à la maison lorsque vous étiez enfant. C'était la musique de fond de votre enfance, le musette? Non, pas moi. Mon père, oui. C'est mon père qui m'a vraiment poussé et aidé financièrement, parce que je suis vraiment issu d'un milieu d'ouvrier. Votre père travaillait à la SNCF. Mon père travaillait à la SNCF et pour arrondir ses fins de mois, et travaillait chez les maraîchers. Et avec cet argent des maraîchers, c'est avec ça qu'il a payé mes instruments. Et donc, c'est mon père qui m'a poussé vraiment à ça. Mais c'était pas vraiment ma tasse de... J'écoutais pas ça en dehors de la musique. Qu'est-ce que vous écoutiez enfant et en début d'adolescence? Bah, j'écoutais plutôt des groupes rock, qu'il va y avoir sûrement dans la liste qui va venir. Non, j'étais vraiment plutôt dans le milieu du rock, la chanson aussi, la chanson engagée. Voilà. Et rock et chanson engagée. Quoi. Pas le jazz, c'est arrivé après. On va rappeler quelque chose d'important pour cette génération-là. Vous êtes né en 55, donc vous aviez 13-14 ans en 68. Oui, c'est ça. Et c'est quand même quelque chose qui marque tout adolescent qui a vécu cette époque-là. 68, ça peut être une grande étape. Oui, complètement. Mais c'est une autre époque. Puis j'étais dans un milieu ouvrier, encore une fois, mais paumé dans la Saint-Pierre-des-Corps. Oui, à l'entrée de Tours. Ouais, j'ai pas vu beaucoup. Célèbre pour sa gare. Ouais, j'ai pas vu. On regardait peu la télé. Voilà, et j'ai pas vu grand-chose de 68, en fait. Milieu que vous avez peut-être retrouvé avec l'escargot, mais on en reparlera tout à l'heure. Deuxième morceau de votre liste, Gilles Jumère. We'll be right back. deuxième morceau, et là on rentre dans ce qui a été la bande son de votre adolescence, le rock, là, un rock plutôt dur, on appelait ça le hard rock à l'époque, on parle maintenant de metal, avec ce morceau Paranoid de Black Sabbath. À l'époque, d'autres groupes existaient, je pense à Led Zepp qui avait un peu inventé le style, à Deep Purple, à Ted Nugent, immense guitariste, dont le seul titre de gloire, c'était de mettre des bouchons dans ses oreilles parce qu'il disait qu'à chaque fois, il risquait de devenir sourd. C'est vraiment la musique qui vous a accompagné à l'adolescence, hein ? Oui. C'est... Oui, complètement. D'une partie de mon adolescence, je me rappelle, on était dans une cave, j'habitais dans un HLM, et on était dans une cave et on écoutait tous ces titres-là, qu'on était vraiment à fond là-dedans. Sans jamais avoir envie de monter des groupes, bon, c'est vrai qu'en jouant de l'accordéon et du sax pour faire du hard rock, c'était un peu compliqué. Mais jamais envie de monter des groupes sur ce style-là ? Non. Ça ne m'est jamais venu à l'idée, non, vraiment, alors que j'avais pas envie non plus de faire une carrière dans l'accordéon, quoi. Mais non, ça ne m'est pas venu. J'ai arrêté la musique à 18 ans aussi parce que je me sentais pas assez bon pour en faire une profession, quoi. Voilà, donc non, c'était mon argent de poche, faire du bal, quoi. C'est vrai qu'à cette époque-là aussi, la majeure partie des jeunes qui s'enfermaient dans un garage pour jouer de la musique n'avaient pas forcément envie d'en faire un métier, mais c'était aussi pour faire partie d'un courant. Oui, complètement. Et puis c'est des rencontres aussi. Donc, en faisant de l'accordéon, je me suis retrouvé dans un milieu, quoi, je veux dire, associatif, où on partait les week-ends faire au-delà des balles, des concerts. Mmh. Voilà. En fait, c'était toute une association d'accordéon. On était, je sais pas, 20 ou 30 accordéonistes, et puis on faisait des concerts, et après on enchaînait avec des balles. Et en plus, moi, le samedi soir, je pouvais faire des balles pour gagner de l'argent. Mmh. Donc j'étais vraiment dans ce milieu-là. C'était un milieu associatif, avec des copains et des copines. Donc, j'étais pas dans l'autre milieu, voilà. Mais j'aurais pu l'être, quoi. Mais voilà. Avec un milieu quand même un peu plus adulte vous aviez quoi ? Vous aviez entre 12 et 18 ans, peut-être que la plupart des membres de ces groupes de bal étaient déjà des adultes ? Non. C'était vraiment des groupes de jeunes. Oui, c'est vraiment des groupes de jeunes. Et en fait, comme on faisait partie de cette association, encore une fois, qui faisait des concerts, bon, on était tous multi-instrumentistes, on va dire. Et à côté de ça, au-delà des concerts, qui étaient du bénévolat total, quoi, on faisait des balles, des choses comme ça, et où on s'amusait, quoi. En plus, il y avait un côté très amateur, quoi, mais on se marrait, quoi. C'était bien. La scène, c'est un moment que vous regrettez, vous en avez un peu de nostalgie, et pour l'avoir pratiqué avec ces balles ? Non. Et d'une façon générale, je regrette jamais rien de ce que j'ai fait. Je suis un peu, c'est mon défaut pour certains, je suis un peu hyperactif et je vais passer à autre chose à un moment donné de ma vie. C'est ce que j'ai même fait professionnellement en quittant Tours, après quittant Paris. Et je rompais pour repartir sur autre chose. Et jamais avec la nostalgie des choses que j'ai pu faire avant, quoi. Alors j'ai dû faire des conneries, évidemment, j'en ai fait. Hein. Mais jamais de regrets forts en disant « Oh là là, c'était bien à ce moment-là ». Je déteste d'ailleurs, comme on dit, c'était mieux avant, je déteste. John Lennon, Instant Karma, troisième morceau de la liste de Gilles Jumer. Un morceau qui a une saveur particulière pour vous ? Oui, c'était, on en parlait il y a 2 minutes, de mon expérience d'aller sur autre chose que, que le musette et le bal, quoi. Et à un moment donné, j'ai adoré ce morceau. Mais vraiment, je l'ai écouté en boucle pendant mon cours. Et j'ai voulu essayer de le mettre sur scène et le chanter. Avec l'accordéon. Ouais. Et non, j'aurais peut-être pas joué l'accordéon. Mais j'étais nul, quoi. Mais quand je me souviens de ça, avec plaisir, parce que je me revois dans ma chambre, là, essayer de chanter ça. Et quand j'écoutais après John Lennon à côté, je disais, mais c'est pas possible. Ce qui m'a étonné dans la liste que vous m'avez envoyée, donc on vient d'écouter Black Sabbath, il y avait John Lennon, vous m'aviez parlé aussi de Creedence pour être un morceau possible sur cette liste. J'ai été étonné qu'il n'y ait pas de groupe de punk, alors que vous avez aussi connu cette époque à Paris de pied en pied. Lorsque vous arrivez à Paris au milieu des années 70, c'est le début de l'explosion punk. C'est un mouvement que vous n'avez pas traversé ? Oui, pas du tout. Ouais. Pas du tout dans le milieu punk. Je l'ai retrouvé après, bien plus tard, dans ma vie avec Alain Lahana, et dans les années 90, à partir de 90. Mais non, à l'époque, pas du tout. Je suis dans le milieu, quand j'arrive à Paris, d'abord, je suis encore comptable. Et oui, d'abord, vous êtes viré de votre lycée quand vous arrivez à Paris. Il y a déjà ça. Ouais. Et vous êtes recueilli par votre sœur à Paris en disant, allez, viens à Paris, tu vas te refaire la cerise. C'est ça, je me fais virer du lycée en première. J'ai une année où je fais n'importe quoi. J'aurais pu même faire des conneries, mais je ne l'ai pas faite. Mais bon, c'était pas loin. Et jusqu'à temps que ma sœur m'a dit, bon, arrête tes conneries et viens à Paris. Et quand j'arrive à Paris, je prends conscience que faut vraiment que je me mette à travailler. Donc je fais des études en plus de travailler le soir, toujours dans la comptabilité, parce que je savais faire que ça de toute façon. Donc, et donc j'étais coupé un peu du monde, quoi. Je veux dire, je travaillais beaucoup, quoi. Et alors là, le mouvement punk m'a passé au-dessus de la tête. C'est après, quand j'en ai marre c'est méprisant de dire ça, parce que les gens avec qui j'ai travaillé dans les cabinets comptables, ça m'a apporté beaucoup dans la vie pour le reste de ce que j'ai pu faire après. Quand j'ai quitté le cabinet comptable, parce que je voulais vraiment faire autre chose, quoi. Je voulais arrêter la comptabilité, et que je me retrouve dans un label de disques. On était là, à ce moment-là, on est dans la chanson. On n'est pas dans le jazz, ni dans le mouvement punk. Ouais. Et donc, ce label dans lequel vous arrivez, vous aviez une vingtaine d'années, c'est l'Escargot qui, pour les amateurs de chansons des années 70, est célèbre parce que François Béranger y était dedans. Et on va peut-être d'abord l'écouter avant d'en parler. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tout y quanti, Cameroun et tout y quanti. Les colons sont partis avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, François Béranger, Mamadou m'a dit, c'est ahurissant, chanson écrite au milieu des années 70, c'est ahurissant, 50 ans plus tard, comme cette chanson est toujours d'actualité. Oui. On a l'impression qu'elle raconte les derniers soubresauts de la politique de l'Ouest africain, coup d'État, la France qui est jetée de ces pays-là, et l'esprit colonial qui perdure. Et pourtant, cette chanson a été écrite au milieu des années 70, donc publiée par un label, l'Escargot, qui était un label monté par des 68ers. Gilles Vigneault était à l'origine de ce label. Comment vous vous retrouvez à être comptable dans ce label de disques qui vous fait rencontrer le milieu musical pour le coup? Ouais, c'est le hasard de la vie. Des fois, il y a des rencontres comme ça, bizarres, qui forgent une vie en fait. Non, mais je réponds à une annonce. Hein. Je cherche du boulot, je veux quitter le cabinet d'experts comptables, je cherche du boulot dans la comptabilité, je vais faire que ça. Et je vois une maison de disques qui cherche un comptable, j'y vais tout de suite, quoi. Et après, je me retrouve où là, j'apprends plein de choses, je fais toute ma culture politique et littéraire, culturel, vraiment, quoi. Parce qu'en fait, vu que je viens, encore une fois, d'un milieu ouvrier où mes parents, moi, à partir de 14 ans, je suis électron libre, mes parents se sont séparés, bon, dans des conditions pas jolies. Et donc, je quitte le lycée, bon, j'ai pas de culture vraiment, en fait. Hein. Mmh. Et je déboule à Paris, faut que je travaille, hein, et là, j'arrive là-dedans, et là, j'apprends la vie, quoi. Je veux dire, tout de suite, je me retrouve dans ce milieu-là, après 68, le milieu de gauche à fond, et j'apprends plein de choses avec ces gens-là, et je suis... Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a rien à voir, mais je suis très sensibilisé dès le départ par le racisme, quoi. Mmh. Que j'ai vécu, moi aussi, en tant que dans le milieu ouvrier dans lequel j'étais. Mes parents étaient racistes, hein, en fonction des gens étrangers qui étaient là, plutôt européens, mais portugais, hein, qui venaient manger le pain des Français, quoi. On rappellera qu'à l'époque, même le Parti communiste soutenait la destruction d'un certain nombre de foyers Sonacotra qui avaient été construits pour des travailleurs étrangers venant travailler en France, voilà. En disant, ils viennent manger le pain des Français. Et voilà, exactement. Et moi, dans mon enfance, j'ai vu ça, ça me choquait. Et après, j'ai toujours été sensible à tout ce problème de racisme et tout ça, quoi. Donc, j'ai fait partie de l'association Africa Fête, dans laquelle il y avait François Béranger. Et voilà, il a sorti ce titre-là. Mmh. Et quand on m'a demandé de retracer, ça a été un moment important de ma vie. Mmh. Donc, je voulais le mettre, vraiment. Le souvenir que vous gardez de François Béranger, mort il y a une petite dizaine d'années? Le souvenir que j'ai, c'était j'étais jeune, hein, puis je connaissais peu, en fait. Bah, je connais un peu plus, mais j'étais quand même à l'époque, j'étais le comptable, hein, j'étais dans la production de spectacle, j'étais comptable de sa maison de disques, hein. Et je suis allé chez lui avec ma compagne d'époque, et à une maison qu'il avait louée du côté de Nîmes pendant les vacances, quoi. Et ce personnage m'intriguait et tout ça, et donc je lui posais plein de questions sur sa vie, quoi. Et à un moment donné, il me dit: Gilles, arrête de me poser des questions, parlons d'autre chose. On va rappeler... J'étais chiant, en fait. Il a raison, hein. Il avait raison. Hein. On va rappeler vite fait qu'il avait aussi un passé d'ouvrier, et que c'est après 68 qu'il avait commencé à prendre sa guitare, à commencer à écrire des chansons et à se produire, à se produire sur scène. Ouais. Immense chanteur de la scène chanson française, sans doute... oublié, et c'est fort dommage. Ouais. Tout, dans ce label, dans l'escargot. L'escargot, oui, plein d'artistes m'ont marqué et m'ont cultivé, m'ont appris plein de choses, quoi. Des Jamel Alam, des Michel Buller, Jules Vigneault, Victor Jara, les Chiliens, Angel Parra, ça m'a vraiment marqué dans ma vie. Ça. Et c'est vrai que ce label-là distribuait autant de la chanson française que de la chanson sud-américaine, avait pris position au moment du coup d'État en 73 au Chili, et avait distribué pas mal de musiciens chiliens qui s'étaient réfugiés en France à ce moment-là, évidemment par Victor Jara, puisque lui, il a été assassiné dans un stade chilien pendant le coup d'État. L'escargot, ça reste un moment fondateur pour vous? Ah oui. C'est là, je rentre comme comptable, encore une fois. Mais pareil, toujours pareil, je veux essayer de sortir de cela. Et à partir de ce moment-là, je commence à participer à l'édition musicale et à la production de disques. En fait, moi, j'ai commencé vraiment par la production de disques. Je me suis retrouvé dans les studios d'enregistrement et tout ça, à travailler plutôt dans l'administratif, quoi, et comptable, mais à commencer à m'intéresser à ça de plus près, quoi. Donc, vous faisiez les contrats des artistes, mais en même temps, vous regardiez la technique. Oui, j'allais dans aux enregistrements, je travaillais sur l'édition et tout ça. Bon, voilà, je commençais à m'intéresser vraiment à ce qu'on appelle le 360 pour ce milieu-là, c'est s'occuper d'un artiste au niveau de la production de disques, l'édition musicale, le management et les tournées, quoi. Et en étant comptable, vous commenciez déjà à vous occuper de ça? Oui, je faisais parallèlement, oui. Thank you. Voilà, on en est déjà au cinquième morceau de votre liste, Gilles Jumer, avec ce morceau de With a Report, Birdland. Pourquoi ce morceau, à ce moment-là de votre liste? Parce que, j'ai oublié de revenir sur l'escargot. L'escargot était géré par quelqu'un qui l'a créé vraiment, qui était une personne remarquable, qui s'appelle Gilles Blévès, et qui gérait... Peut-être c'est un artiste, quoi. Et dans le bon sens du terme, et plus artiste que gestionnaire, quoi. Et donc, à un moment donné, bon, la boîte, c'est parti à volo, et donc, problème de règlement judiciaire et tout ça. Donc, je deviens le gérant de l'escargot. Et 2-3 ans après, je vois que ça continue à être mal géré et tout ça, et que j'en ai la responsabilité. Et donc, j'ai dit, bon, je me retire, j'arrête. Et j'avais fait venir un copain maintenant, vraiment, qui s'appelle Jean-Marie Salani, qui lui est dans le milieu du jazz, dans nos bureaux, parce qu'on partageait les bureaux, on était déjà dans le coworking. Et à ce moment-là, bah, je suis parti avec lui, et on a monté une société. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé dans le milieu du jazz, quoi. Oui, et là, vous étiez plus comptable. Non, j'étais plus comptable. Là. Ouais, là, c'est fini. Ouais. Jean-Marie Salani, on le connaît pour la production de tas de groupes au milieu des années 80. Uzeb, Sixen, Lockwood, Escoudé, des gens comme ça. Et vous y entrez aussi par le morceau qu'on vient d'écouter, cette espèce de fusion née à la fin des années 70. Non. C'est une histoire d'homme, hein, moi, à chaque fois, plutôt que de musique, hein, vraiment. Hein. Jean-Marie Salani, je m'entends bien avec lui, on a envie de faire des choses ensemble. Il se trouve que lui, il est dans le milieu du jazz, et à ce moment-là, il signe, au niveau du disque, le groupe Uzeb. Un groupe canadien, québécois, exactement. Et donc, lui, il s'occupait déjà, effectivement, de Didier Lockwood, de Christian Scoulet, d'Henri Texier, des artistes de jazz renommés, haut niveau. Et il n'avait pas le temps de s'occuper de Uzeb. Donc, j'ai dit, bah, attends, moi, quand je parle de tournée. Hein. Et j'ai dit, bah, attends, moi, je vais le faire. Donne-moi ton agenda, là. Et puis, voilà, je vais appeler tout le monde et je vais monter les tournées. Je vais monter la tournée. Et j'ai monté la tournée du groupe Uzeb en 84 et 86. Deux grosses tournées avec 20 à 30 dates. 20-25 dates à chaque fois, et je partais avec eux sur la route, donc ça c'est très bien aussi. Je pense que maintenant on fait moins ça et c'est dommage, mais de partir sur la route et de voir toutes les difficultés et les moments superbes qu'on peut vivre en étant sur la route, quoi. Uzeb qui a eu une période très importante en France, dont vous le disiez, dans les années, au milieu des années 80, avec beaucoup de succès public. Je me souviens les avoir vus à Toulouse dans ces années-là. La salle était assez pleine. Je me souviens plus où est-ce qu'avait eu le concert, peut-être au Palais des Sports, mais la salle était assez pleine. Oui, même à Paris, ils ont fait l'Olympia, il y a eu des grosses salles. Bah, c'est un groupe qui a marché très fort tout de suite, et moi j'étais vraiment content. Moi, c'est vrai, j'ai eu de la chance en fait, parce que monter une tournée c'est vraiment difficile, quoi, et c'est quand même beaucoup lié au potentiel de l'artiste. Hein. Je veux dire, voilà, il faut être très vendeur, mais si vous vendez quelque chose à un producteur et que ça marche pas, vous ne allez pas le faire deux fois. Hein. Donc, et là, j'avais la chance d'avoir un groupe qui montait dans un courant musical qui n'est pas si évident que ça, d'un tournée. Maintenant, je pense que ça devient maintenant même très, très difficile. Quoi. J'ai eu de la chance, moi, vraiment, d'avoir un bon groupe et d'avoir un réseau à ce moment-là. Les circuits culturels, les maisons de la culture et tout ça pouvaient accueillir ce genre de groupe qu'ils ne font plus maintenant, trop en tout cas. Entre dos aguas de Paco de Lucía. Là aussi, pourquoi ce morceau étonnamment dans cette liste? Bah, c'est des légendes, quoi. Je veux dire, c'était. J'ai même produit cet artiste-là sur les concerts à Paris avec quelqu'un qui s'appelait Christian Pégan, qui s'appelle toujours Christian Pégan. Et voilà, c'est pour moi, c'est des légendes. J'avais que j'aurais pu mettre des artistes avec lesquels j'ai travaillé, quoi. Mais voilà, j'ai mis ceux qui m'ont amené là-dedans quand même et à continuer un certain temps. Weather Report, par exemple, m'a vraiment marqué. Je me souviens les avoir vus à Paris, Porte de la Villette, sous Chapiteau, ainsi que Miles Davis, d'ailleurs, avant que le Zénith soit construit. Voilà, et c'est vraiment des légendes qui m'ont marqué, quoi, vraiment. Et à ce titre-là, Paco de Lucía fait partie de ces musiciens légendaires. Ah oui, ouais, vraiment. Bah oui, vraiment. Pour votre parcours professionnel, vous en êtes toujours à travailler avec Jean-Marie Salani lorsque vous découvrez ce style de musique, lorsque vous montez ces tournées. Alors, Jean-Marie Salani est un ami proche, mais bon, comme un couple, à un moment donné, on ne s'est plus trop entendu suite aux deux tournées du Zeb. Je ne retrouvais plus ma place avec lui dedans. Peut-être que je voulais de l'indépendance aussi. C'est sûr, j'ai besoin d'indépendance. Donc, j'ai dit, je préfère qu'on arrête notre collaboration. J'étais associé, moi, j'ai rendu toutes mes parts, et puis j'ai dit, je monte ma propre boîte. Et à ce moment-là, c'est en 86, je monte Bleu Citron. Vous montez de Bleu Citron avec quelle idée? Il y avait simplement l'idée de prendre des groupes et de monter des tournées, ou déjà l'idée d'accompagner des artistes au long cours pour essayer de les faire travailler, de les faire progresser? J'ai pas la prétention de les faire progresser, mais les faire travailler, toujours, j'ai envie de faire ça. J'avais pas du tout envie d'être un label ou qu'un tourneur, qu'un producteur de spectacle. Non, ce qui m'intéressait, c'est d'accompagner les artistes. C'est des moments extraordinaires, quoi, avec des tensions, des engueulades, des moments de joie. J'avais envie de ça, vraiment. C'est ce que j'avais vécu avant avec Uzeb, parce que ma première relation très proche des artistes, même si François Béranger, j'ai bien connu et tout ça, mais j'étais encore une fois comptable, donc je travaillais pas vraiment beaucoup avec eux. Et là, avec Uzeb, j'étais sur la route, sur le terrain, et j'avais envie de vivre ça avec les artistes. Donc, quand je monte Bleu Citron, je suis dans le milieu du jazz, là, à ce moment-là, quoi. Et il y a des groupes parisiens qui m'appellent, dont le groupe Sixon, et je fais allez, banco, on y va. Sixon, il faut quand même rappeler quel est ce groupe français du milieu des années 80 qui est dans la lignée des Uzeb. Il y a quand même des musiciens assez incroyables. Paco Seri à la batterie, Louis Winsberg à la guitare, le bassiste Michel Alibaud est aussi assez monstrueux. C'est vrai que c'était un groupe de super musiciens. Mais ils jouent, complètement. Oui. Quand ils m'ont appelé, je suis allé les écouter dans un tout petit lieu, là, rue de Deauville, à Paris, dans le 18e. Et j'avais été marqué, mais quand je les entends jouer, je suis toujours marqué, quoi. C'est incroyable, même quand ils font le bœuf et tout ça. Mais ils passent à Toulouse, hein, ils passent au Métronome, je ne sais plus quelle date, en octobre, vers la fin octobre. Je vais y aller, bien sûr. Mais oui, c'est le moment, en plus, on était jeunes tous, quoi, avec Paco Seri, qui était quand même un batteur, mais monstrueux, quoi. Mais après, à gérer, c'était un enfer aussi, mais je l'adore. Et puis, quand il joue encore, c'est incroyable. Le début de Bleu Citron, donc vers 1986-1987, le début de Bleu Citron est difficile. C'est vrai que monter une boîte comme ça, ex nihilo, ça doit pas être simple, même si on a 4-5 ans d'expérience dans une autre structure, ça doit quand même pas être simple. Non, c'était compliqué, et à tel point que pour vivre, je ne pouvais pas vivre de cette activité-là. Donc, je faisais encore des missions liées à la gestion et à la comptabilité dans des studios d'enregistrement, deux grands studios à Paris, que j'ai adoré ces moments-là aussi, avec le studio Plus 30 et le studio Ramsès à Paris. Et je faisais quand même des missions à côté pour gagner, pour vivre, voilà, parce que je n'arrivais pas à vivre de ça. Et moi, c'est vrai que j'ai produit avec Beau Citron 25 albums quand même, mais d'artistes pareil que je faisais tourner, éditions et tout ça. Quoi. C'était quoi le projet de départ de Beau Citron? Vivre et travailler autour de la musique. De la musique. J'avais aucune prétention de. Aucune. Je voulais, moi, vivre autour de la musique, c'est tout. Dans la salle d'attente de la gare de Nantes. J'attends. Un vieux légionnaire s'endort sur sa bière en chialant. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être au chaud? Jacques Higelin, La Rousse au chocolat, extrait d'un album de la fin des années 70, Alerter les bébés. Jacques Higelin, quelqu'un d'important dans votre parcours? Ah oui, essentiel même. Ça m'a amené à une professionnalisation forte, quoi, costaud. Et en fait... Quand Bleu Citron, encore une fois, je suis dans le milieu du jazz et tout ça, et je rame, comme je viens de dire tout à l'heure, financièrement. Et à ce moment-là, il y a Daniel Koenig, qui. Donc, on connaît pour avoir été, j'allais dire, l'inventeur du Printemps de Bourges. Du Printemps de Bourges, des Zénith, et maintenant du Salon professionnel de Mama, bon, un personnage incroyable. Et il m'appelle pour m'occuper de l'administration du Printemps de Bourges. Et je fais non, je veux pas faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de revenir à cela. Et il m'appelle un an après ou deux ans après, je sais plus, pour m'occuper de Jacques Higelin. Ah, je fais ah ouais, là je veux bien, là j'arrive. Donc je continue Bleu Citron à côté quand même, mais je réduis un peu l'activité quand même. Il y a une personne, deux personnes qui travaillent, mais moi j'y participe moins. Et là c'est à ce moment-là que je pars vraiment dans la production d'artistes. Importants, ils sont tous importants les artistes, mais des grosses productions, c'est-à-dire des semi-remorques, plusieurs dizaines de personnes sur la route, et ainsi de suite. Quoi. Et donc il y avait Jacques Higelin, que vous suivez en concert? Oui. Vous êtes toujours sur les tournées, physiquement? Alors, pas toutes les dates, mais les premières, peut-être que si, oui. Mais j'en fais beaucoup, et je suis venu d'ailleurs, c'était encore le Palais des Sports, on a fait deux jours au Palais des Sports avec Jacques Higelin, quoi. Puis d'autres choses avec Jacques Higelin. Ça a été une période extraordinaire, quoi, vraiment, quoi. Avec Cooling, je suppose que là, vous avez vraiment appris le métier d'agent artistique, de producteur. C'est là que vous apprenez vraiment le métier? Alors, j'apprends le métier de la production. Ah. Alors, agent artistique, c'est celui qui vend des spectacles, qui a un pourcentage. Je fais jamais ça. On fait jamais ça, d'ailleurs. Avant, j'étais en tournée, là, et là, je monte des productions, c'est-à-dire toute l'organisation de spectacles sur Paris et sur la France, voire l'Europe. Oui, j'apprends. C'est avec lui que j'apprends beaucoup de choses. J'avais besoin de ça. Celui-là a été remarquable. Il me fait vraiment confiance. Donc, il me laisse ma liberté quand même, dont j'ai besoin, autrement je ne serais pas resté. Et là, je côtoie des artistes à haut niveau, compliqués des fois. Voilà, parce que gérer les artistes, ce n'est pas toujours évident. C'est des gens remarquables sans lesquels nous ne serions pas grand-chose, nous, les producteurs. Mais après, humainement, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de la vie, hein, c'est sûr. Jacques Higelin, difficile à gérer? Pas plus que les autres. Mais pas moins. Pas moins. Après, il y a plein de choses exagérées sur ses comportements, l'alcool, la drogue, tout ça, c'est fou, quoi. Mais bon, après, c'est des personnalités très fortes, quoi. Donc, obligatoirement compliquées. Comme toute personnalité forte, c'est compliqué. Better love me, you better behave. Nine Inch Nails de Tears for Fears avec la chanteuse Oleta Adams sur ce morceau-là, Tears of Fears, que vous avez aussi, dont vous avez produit les spectacles. Oui, voilà. Donc, à un moment donné, avec Daniel Koenig, dans notre lancée, on s'associe avec Alain Lahana et on produit différents artistes internationaux. Et on commence très fort avec 5 jours à Bercy, David Bowie, 2 jours, Phil Collins, 3 jours, et Tears for Fears, 1 jour. Oui, c'est pas mal comme début. Oui, comme début. Alors là, dans la deuxième phase d'apprentissage, après Jacques Higelin, c'était 1 ou 2 ans après. Hein. Ah ouais. Là, celle-là, ça a été fort. Hein. D'autant plus que le bâtiment où nous étions, à Paris, quai de Seine, il a cramé. Donc, c'est dans les années 90. Mmh. Et tout, plus rien, plus de billetterie, plus rien du tout de 5 Bercy. Ça a été quelque chose. Quoi. Tears for Fears, pourquoi avoir choisi ce groupe-là plutôt que Bowie ou Phil Collins? Bowie, j'adore, évidemment. Phil Collins aussi, il m'impressionnait tous sur scène. Quoi. Mais eux, j'adorais. Quoi. J'adorais. Je suis parti en tournée avec eux sur la France, hein, parce que nous, ces artistes-là, on s'occupait que sur la France. Et je suis venu même au Palais des Sports ou à l'Apertunoir Mériadec à Bordeaux, je me rappelle, tellement c'était pourri cette salle. Et sur scène, c'était extraordinaire. Les instruments, les arrangements, ce mélange de sons partout et cohérent et beau. J'ai adoré. J'étais en tournée et j'écoutais tous les concerts. Hein. Musicalement, vous êtes où? Vous avez des styles privilégiés ou vous êtes quelqu'un qui écoutait de tout, du jazz, de la chanson, de la pop? Ah, j'écoute de tout. J'écoute de tout. On peut pas. Non, il y a rien que je préfère que du punk, que du métal. Non, pas du tout. Je peux plus ou moins, hein, d'ailleurs, parce que du métal, j'en écoute pas tant que ça, hein, quand même. Hein. Mais je suis quand même ouvert à tout ça. Tout m'intéresse. Il y a rien qui me. Il n'y a pas une case dans laquelle je veux rentrer. Je me sentirais trop à l'étroit. Ce qui se retrouve aussi dans le catalogue Bleu Citron et qui continue, même après votre départ, à se retrouver dans le catalogue Bleu Citron, cet éclectisme. Alors Bleu Citron, on parlait des artistes dont Bleu Citron s'occupe, parce que Bleu Citron a 2 activités. Bleu Citron est organisateur de spectacles pour les artistes de passage, à Toulouse on va dire. Quoi. Et après, Bleu Citron s'occupe directement d'artistes, ce que je faisais moi quand j'étais à Paris, et que je ne voulais plus faire quand je suis arrivé à Toulouse en 98. Tout. Je ne voulais plus m'occuper d'artistes directement. Parce que j'avais donné quand même pendant 15 ans et que ça m'avait bien pris la vie, quoi. Des séparations, des machins, tout, quoi. Et je voulais plus faire ça. Et donc là, maintenant, Bleu Citron, c'est quand même beaucoup dans le milieu du hip-hop, quand même, hein, actuellement, dans les artistes dont on s'occupe directement, notamment avec Flo Holly, Giorgio et tout ça. Mais il y a plein d'autres artistes qui. Samuel Capu, c'est lui qui gère ça maintenant, dans Bleu Citron, qui a été une des personnes que j'avais embauchées quand je suis arrivé, et qui ouvre le catalogue des artistes d'une façon remarquable. Il travaille super bien. Stéphane Echer, combien de temps? Là aussi, un artiste dont vous avez produit les concerts en France? Oui, parallèlement aux autres activités, parce que toutes celles que je viens de citer, je continue à faire tout ça. À Paris, c'était boulimique, quoi. J'en faisais sûrement trop d'ailleurs. Et entre autres, voilà, j'ai eu toute une période, quand j'ai eu une période assez longue, 4-5 ans, avec Stéphane Echer. À ce moment-là, il était en Suisse, et il est retourné en Suisse d'ailleurs, hein, après un passage de résidence en France. Et à Zurich, j'aimais beaucoup aussi cet artiste, vraiment. Avec, pour l'anecdote, un concert concert assez mythique à Toulouse. Ça se passait au Bikini, le Bikini presque à ses débuts, Chemin des Étroits, où il arrive à cette époque de combien de temps, où il avait plein de machines sur scène, un des premiers artistes francophones à jouer avec autant de machines et d'ordinateurs, et tout pète. Et ce concert-là, tout explose, plus rien, plus d'électricité. Et il a fini le concert avec sa guitare acoustique à chanter pour le public médusé dans un bikini qui a été après complètement survolté. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas connu ça, mais j'étais pas à ce moment-là avec lui. Et mais c'est une histoire remarquable, mais qu'on peut trouver dans le livre. Il faut acheter le livre d'Hervé Sansonetto. Il a écrit un bouquin sur l'histoire du bikini de 83. À la destruction À ZDF, et dans lequel il y a une page sur ce concert de Stéphane Escher où en fait il y avait un problème d'électricité, quoi. Il n'y avait pas assez de jus par rapport aux machines qu'il avait sur scène et donc ça ne marchait pas et ça reste un concert assez mémorable. On en arrive peut-être à votre arrivée à Toulouse du coup, qui se situe à la fin des années 90 98 99. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous partiez de Paris avec Bleu Citron, parce que vous arrêtez pas l'aventure Bleu Citron, mais vous décidez de la continuer à Toulouse. C'est qu'à un moment donné, dans ma vie personnelle, pas affective, mais de personnelle, de travail, tout ça, je pète les plombs, quoi. C'est-à-dire qu'en France, mais j'étais un peu fou. Je faisais vraiment. Bon, on a parlé de Jacques Higelin, de Stéphane Escher, mais je m'occupais aussi de la direction artistique du Printemps de Bourges, tout en n'étant pas le seul programmateur, mais toute la coordination. Je participe à la programmation et la coordination. Je faisais aussi du Bleu Citron. Avec Daniel Koenig, on travaillait sur Guy Bedos. Bon, j'en faisais mais des tonnes. Et après, ça s'enchaîne en plus avec Alain Lahana, qui est également une chance dans ma vie d'avoir rencontré cette personne, comme Daniel Koenig, comme Jean-Marie Salani, comme Gilles Bleves. Et avec Alain Lahana, on part sur des grosses productions. Ça va même jusqu'au Rolling Stone. On fait l'ouverture du Stade de France en 98 avec les Rolling Stones. Et à ce moment-là, c'est pas du jour au lendemain, bien sûr. Je dis, je veux plus ça. Je ne veux plus vivre ça. C'était génial. Ça va trop vite. C'est trop. Ça ne correspond pas à la vie que j'ai envie de mener, quoi. Ça ne correspond plus à la vie que j'ai envie de mener. Et donc, j'ai dit, j'arrête. Donc, tout le monde me prend pour un fou. Et à ce moment-là, ma compagne est toulousaine. Je dis, voilà. Il y avait deux villes en France où j'avais envie de vivre. Je n'avais pas envie de retourner en Touraine. Je n'avais pas envie de rester à Paris parce que je ne suis pas parisien dans l'âme, même si j'adore Paris maintenant. Hein. C'était Toulouse et Marseille, quoi. Et voilà, je me suis retrouvé à Toulouse. Alors, je suis arrivé à Toulouse. Personne ne m'attendait. Hein, je veux croire. Au contraire. Même d'ailleurs, il y en a pour qui ça a gêné dans les histoires de concurrence et tout ça. Et je raconte souvent l'histoire avec Hervé Sansonetto, qui est un ami très proche. Et quand je vais le voir, j'arrive à Toulouse, je lui dis bonjour. Je pouvais pas l'occulter parce que c'était déjà. Il avait fait une histoire extraordinaire, quoi, dans les 15 ans, à peu près, 83-98. Et j'ai dit, je vais m'installer à Toulouse et j'espère qu'on va travailler ensemble. Il me dit, on n'a pas besoin de toi ici, hein, toi, à la Hervé, si vous le connaissez un peu. Je dis, c'est con parce que je vais y rester. Hein. Et puis on est devenus très très proches. Et c'est vrai que dès votre arrivée à Toulouse, vous avez collaboré de manière assez proche avec Hervé Sansonetto et le Bikini. Ça, c'est mon comportement général, quoi. Je déteste la concurrence, c'est-à-dire je déteste me prendre la tête avec un concurrent, quoi. Alors il y a des fois c'est inévitable, hein. On y passe quand même, quoi. Mais globalement je suis dans le partage, quoi. Je veux dire, complètement, c'est ce que j'ai fait en arrivant à Toulouse. Il y avait cette personnage emblématique qui était Hervé Sansonetto du Bikini. Je pouvais pas me passer vivre à Toulouse être en guerre avec lui, c'est pas possible. Donc il y a eu ça, pareil pour Bleu Citron, j'embauchais des gens à qui j'ai donné les parts. Là, si on parlait de la cartoucherie, je suis dans un collectif aussi coopératif et tout ça. Je suis vraiment dans le partage. Alors c'est pas parce que je suis hyper généreux, mais j'ai besoin de ça. Voilà, je peux pas vivre tout seul dans ma chambre et puis faire mon boulot tout seul. Je peux pas, c'est impossible. Tout en étant complètement épris de votre liberté, de votre indépendance. Ah oui, ça oui. Par contre, il faut que je fasse Et je transmets ça pareil avec les gens avec qui j'ai travaillé. Les gens de Bleu Citron, ils le disent souvent. Moi, je leur disais, allez, je te fais confiance, tu fais ce que tu veux, je te fais confiance. Si ça déconne, on arrête. Basta. Et puis, ça n'a pas déconné, quoi. Donc, vous arrivez à Toulouse en 1998, et ça vous amène à monter Bleu Citron ici à Toulouse. Bleu Citron que vous quittez vers 2016 ou 2017, en laissant, vous le disiez, il y a deux minutes, et je rappelais en début d'émission, en laissant l'entreprise aux gens avec qui vous aviez travaillé. Et puis, depuis, vous êtes investi dans ce qui est devenu, depuis trois semaines, les Halles de la Cartoucherie, avec une salle de spectacle qui va bientôt se monter. Ça veut dire qu'on va vous retrouver programmateur d'une salle de spectacle à Toulouse, à côté du Zénith, ce qui est un peu casse-gueule quand même. Non, pas du tout. C'est vraiment deux salles qui ont vraiment rien à voir, avec une capacité de public qui n'a vraiment rien à voir. La salle de la Cartoucherie, c'est une salle de 500 assis, modulable, où on peut faire de l'assis debout en faisant 800 personnes. Ça n'existe pas à Toulouse, en dehors du Zénith, mais c'est des capacités qui n'ont vraiment rien à voir. Quoi. Voilà. Non, mais après, moi, Bleu Citron, c'est, quand j'arrête Bleu Citron en 2016... ça fait 30 ans que Bleu Citron existe, quoi. Et pareil que lorsque j'ai quitté Paris 15 ans avant, j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Donc j'ai monté une belle équipe, il y a 12 personnes, maintenant ils sont plus de 30. Je leur confie les clés, je leur dis bon, bah, allez-y, continuez. Et moi je pars sur un autre projet. Mais au départ, j'avais pas d'autres projets. Hein. Je voulais arrêter, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Et à ce moment-là, celui qui est fondateur de la Cartoucherie, qui s'appelle Sylvain Barfetti, apprend que j'arrête le Bleu Citron, il m'appelle. Quoi. Mais très vite, dans les 2-3 mois, après que la mairie ait donné son accord pour nous vendre le bâtiment. Et il vous dit, on a besoin de quelqu'un pour l'artistique et le culturel, et vous lui dites, banco, mais il faut monter une salle de spectacle. Oui, c'est ça. Parce qu'au départ, il n'y a pas la salle de spectacle. Non, il m'appelle pour que je fasse de l'animation, pour que je participe à de l'animation. Je dis, je suis pas clown ni magicien, donc il faudrait monter une salle de spectacle, quoi. Il me dit, je dis, oui, il faut faire ça. Et puis, ça va être complémentaire de tout ça, parce que c'est un lieu de vie, encore une fois, autour du sport, du travail, de la restauration, bar, culture, cinéma et salle de spectacle. Et on part sur le projet de salle de spectacle. Et donc, vous allez être programmateur de cette salle? Non. Non, je rappelle, j'ai 68 ans. D'ailleurs, je suis né en 1955, comme tu as dit au départ, non pas 1995. Voilà. Pourquoi j'ai dit 95? Oui, tu as dit 95. Ah non, 55, oui. 55, oui. Et non, je m'entoure, comme j'ai fait un peu avec le Citron d'ailleurs, d'équipes plus jeunes qui sont recrutées pour cela. Moi, je suis un des associés fondateurs depuis le début. J'ai investi là-dedans, du temps, de l'argent aussi, mais en tant qu'associé fondateur. Et après, on monte des équipes qui gèrent tout ça. Quoi. Ça veut dire qu'une fois que la salle est ouverte, vous allez passer à autre chose? Ouais. Ah, oui. Je vais pas. J'ai toujours dit ça en interne à mes associés, que je voulais pas être exploitant, je voulais pas être sur le terrain de la salle, je voulais pas gérer la salle et tout ça. Parce que je me voyais absolument pas. C'est un travail monumental, hein, gérer une salle. Hein. Et je voulais vraiment plus faire ça. Après, ce que je vais faire, je partirai pas. Je leur dis, mais je partirai pas sur un projet professionnel à Toulouse, je pense pas. Quoi. Non, faut que je me parte sur un projet personnel. Ouais. Il est peut-être temps de se retirer des voitures, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Je veux. C'est sûr, je partirai pas sur un, j'investirai pas sur un projet professionnel, mais je resterai bénévole. Je suis déjà bénévole sur différentes petits festivals, petits événements culturels. Je resterai bénévole de ça parce que ça m'excite. Quoi. Très bien. En attendant, donc, on attend l'ouverture de cette salle à la Cartoucherie, qui est prévue pour avril 2024. 2024. Et pour vous, l'actualité immédiate, c'est donc ce festival dont on parlait en début d'émission, OZ, qui a lieu mardi prochain, 10 octobre, au Zénith. Festival gratuit, mais sur invitation. Il vous faut aller sur le site du Zénith pour réserver votre place. 10 groupes de la région y seront présentés sous l'égide donc du Zénith de Toulouse et de Gilles Jumer. Merci beaucoup Gilles Jumer d'être passé dans cette émission et de nous avoir consacré un peu de votre temps qui est, je pense, très compté en ce moment. Oui, pas plus qu'avant, faut pas exagérer, mais bon, c'est un peu ma vie et mon plaisir, quoi, de toute façon. Merci beaucoup. La liste s'est terminée pour ce soir. L'émission était réalisée par Thomas Delafosse. Le générique original est toujours composé par Loïc Laporte. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Allez, salut les filles.